Bonsoir, comment allez-vous ? Eh oui, vous voilà de nouveau dans la machine à son. Alors ce soir, j'ai la voix Barry White, eh oui, parce que voilà, le professeur, il est parti faire la fiesta avec des petits jeunes. Voilà, il s'est vu beau, et puis il est rentré malade comme un chien. Il me dit, tiens, si tu veux, viens m'apporter des tisanes. Bref, moi, bonne âme, je vais apporter les tisanes, total. J'ai chopé sa merde, et voilà, super. Ça sert à rien d'être sympa avec le professeur. À chaque fois, attendez, je baisse un peu parce que difficile à régler. Hein. Normalement, on a des réglages hyper scientifiques sur les voix et là, avec ma crève, eh ben, c'est un peu la misère. Donc, vous m'excuserez d'avoir cette voix un peu disco, ou pas vraiment, enfin bref, pas terrible, mais c'est pas très très grave. Hein. Je ne parle pas tant que ça. Donc sinon, à part ça, ben j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, parce que dans le reste du monde, c'est la misère complète. Mais bon, nous n'allons pas entamer de discussion voilà, sur l'avenir du monde. Hein. Soyons pragmatiques, ici et maintenant. Donc ici et maintenant, c'est la machine à son. Donc ben, le plus simple, c'est de commencer dans ce qu'on sait faire le mieux, vous passer de la bonne musique. Prochain disque vous fera pénétrer plus profondément dans le domaine de l'électrophysiologie de l'audition au niveau des voix et des centres nerveux. Il analyse mes rêves. Moi, je rêve pas. Que tu crois? Tout le monde rêve, c'est prouvé. Thank you. c'est à la conjonction d'un rêve et d'une encyclopédie que je dois la découverte de Chronopolis. Le nom de Chronopolis m'était apparu pour la première fois à la suite d'un article sur la fonction métaphysique de la syllabe « al ». Chronopolis était situé aux antipodes de ce monde, à l'origine du temps. Ses habitants, erratiques, distants, impassibles, auraient joué à composer le temps. Ainsi, ils auraient suscité comme la matière du temps, sa pâte, sa texture, sa fantaisie, harmonieuse ou hargneuse, ses envols et ses déterminismes. Bref, le passé et le futur qu'ils dispersaient dans tout l'univers au moyen de pipelines. Vous êtes bien dans la machine à son et c'est la nuit tout autour de vous. Mais la joie intérieure, la paix, la machine à son est de retour. La méditation et l'amour nous han de conduire à la félicité. Palabras bellas son las flores, bello es el amor. Dios, dame la gloria, solo quiero amor. C'est bien joli ça, l'amour, la félicité, la méditation. Mais c'est quand qu'on danse? Eh oui, c'est maintenant. Come on, baby, do the bar kiss now. Shout a shimmy. Ah, oh, that's fine, looking cool. Vous l'avez compris, la machine à son, c'est la machine anti-soucis. Avec la machine à son, plus de soucis. Avec la machine à son, que du plaisir. Non, c'est pas terrible, ça rime pas trop. C'est pas grave, de toute façon j'en vois au fond là-bas qui écoute pas. Mademoiselle, vous écoutez rien du tout. El maestro tomeño. heureusement que la plupart écoutent quand même, hein, parce que elle m'inquiète. Après, je comprends aussi, hein, cette idée d'être au front là, de la classe, de ne pas écouter, d'être perdu dans ses nuages. D'ailleurs, ça fera l'objet d'une chronique tout à l'heure. D'être perdu dans les nuages, c'est quand même fabuleux, ça. Hein. C'est très poétique. Alors, c'est très mal pris. En général, les gens n'aiment pas quand vous êtes perdu dans les nuages. Le professeur en sait quelque chose, parce que alors, lui, c'est pas qu'il est perdu. C'est qu'en fait, il a jamais cherché à se retrouver dans ses nuages. Voilà, il est enchaîné dans les nuages. Merci, c'est fantastique. Eh oui, la machine à son, c'est réellement fantastique. Bon, on va calmer un petit peu le jeu, hein, parce qu'il vous reste une demi-heure à tenir, les petits amis. Donc voilà, faut pas que je vous use trop vite, parce que, comme dirait Dutronc, quand s'est usé, on le jette. Eh ben non, je vais pas vous mettre du Dutronc. Mais on va faire une petite pause. Je sais pas vraiment si c'est une pause. On va partir au pays des géants. Ah, si je monte pas le son, vous allez partir nulle part. Les voilà. Hi-ho, je suis le roi des géants. Oh ho, mais je ne suis pas méchant. Hi-ho, mon pays est à deux pas. Attends. Oh, oh, suivez le roi géants. On marche avec vous, au roi des géants. Et nous vous suivons, le roi des géants. Nous irons chez vous, au roi des géants. On a confiance en vous. Là d'où nous venons, monsieur le géant. Les gens sont petits, mais sont très méchants. Comme leur cœur et comme leurs sentiments. Mais où habitez-vous? Vous sentez pas en ce moment comme, je sais pas, une humidité dans l'air? Alors pas une humidité, je dirais, estivale, sensuelle, de corps, de machin. Non, une humidité de, je sais pas, une humidité ambiante, quelque chose de malsain. si c'était pas moi qui faisais la machine à son avec le professeur, je me dirais, mais ce sont vraiment de gros tarés. Tight pants are going off into a place unknown. Until you break the flow. She's a punk, but goddamn if that pony didn't pop the trunk to a 9-liter green Mercury Ford Firehawk. Banged up running Louisiana place. Firehawk girl, Firehawk girl, you are a badass girl, and a badass girl has gotta get around. My mojo is powerful. at me if you dare. Go ahead. When you see me, baby, you're gonna fall right out the chair. Yes, you will. And your arms will caress me. Hold your working. Lips try to find my cheek. Yes, you will. Working on Joe. I said your arms will caress me. And your lips will find my cheek. Yes, you will. Yes, you will. You're a victim of the mojo. I told you it worked, I repeat. I repeat. I got my mojo working, baby. Told you it'd be so wonderful. Yes, it is. Come and go. Yes, it is. I got my mojo turned on. See how this woman fell. Ça met en âge, j'arrête plus de pousser des cris sauvages. J'ai le hockey, Dieu me l'a fait. J'ai le hockey, j'ai le hockey, j'ai le hockey, et je ne peux plus m'arrêter. J'suis suffoqué. Je rock et je rockette, je rock et je rockette. Baby, baby, baby, fais-moi peur. Oh, baby, baby, baby. Baby, baby, soulage mon pauvre cœur. Baby, baby, baby, faut soigner ton âme. Va me chercher des remèdes avec des boules de gomme. Mais si tu désires me guérir tout de suite, dis à belle maman de s'amener bien vite. Rien que de regarder sa sinistre binette, en une demi-seconde, le pire, ok, s'arrête. Faut pas troquer. Ok. J'ai l'air toqué, j'ai l'air toqué, j'ai l'air toqué, mais je ne peux plus m'arrêter. Je suis suffoqué. Oh, peut-être que je vais claquer. Baby, le remède au père. T'as bien fait d'aller me chercher ma belle-mère. Je l'ai vu entrer dans notre appartement et son œil féroce m'a retourné les sangs. J'ai le hockey et je re-rock and roll et je vais danser avec Martine Carole. Ça me choquait, ça me choquait comme une boule de croquet. Voilà le bouquet. En commençant le banquet. Battez le briquet, ouvrez vos quinquets, fermez le loquet, vidons les baquets, jouons au bilboquet parmi les bosquets. Car c'est fini, j'ai plus le hockey. Ouais, oui, une émission qui soigne le hockey, la machine à son. Ouais, tout ça c'est fumeux. We'll be right back.

Oh là, petits et grands, l'heure tourne, c'est dingue, on s'ennuie pas avec vous, hein. J'espère que vous, vous ennuyez pas avec nous. Eh oui, tous les mercredis, nous vous emmenons sur notre petit nuage avec le professeur, tel Nounours et son pote au pipeau. No seas traviesa, no me hagas enojar, porque esta mañana desperté y el cielo despejado encontré. Entre las nubes yo, ella me daba todo su corazón, pero esta mañana desperté y el cielo despejado encontré. C'est ainsi que s'achève la machine à son avec un petit peu d'avance par rapport aux semaines précédentes. On sent que nos deux concurrents ont beaucoup travaillé le mollet. Ils courent plus vite, ils vont plus vite, ils sont plus forts. Le professeur et moi-même. La machine à son, incroyable. Eh oui, ça me laisse le temps. Si vous regrettez, vous dites putain, il aurait dû mettre un morceau en plus. Parce que pour entendre ces conneries, on s'en passerait. Eh ben non, vous en passerez pas. Vous êtes obligé ou alors il faut tourner le poste. Mais après, vous êtes seul. C'est un choix. Donc ce soir, vous avez écouté dans la machine à son. Eh bien justement, à la fin, la machina del sonido. Donc la machine à son pour les incultes. Perdi mi nube. Les Detroit Cobras, Eating or Nothing. Daniel Gérard, Sexologie, mal embrayé, mais bon, on s'en est bien sorti. Le fabuleux Gustavo Pimentel avec Tabacco. Henri Salvador avec Rocoqué, qui était une erreur, mais une bonne erreur, comme quoi des fois les erreurs sont créatives. Bill Cosby avec Mojo Working. Workout, pardon. Quintron, l'incroyable Quintron tout seul avec son espèce de clavier des années je ne sais pas quoi. Place and Unknown. Los Ignorantes, Huele la Humedad. Eh oui, rappelez-vous, ça pue hein, quand même dans ce monde. Mister Zero, Voodoo Stomp. Fabuleux instrumental. Henri Salvador, encore une fois, Le Géant. Killer Keen, On the Chain. Punk presque hardos, enfin un truc de fou. Kira Yono Escuche, Les Ingos, Viens danser le Monkeys. Los Ovnis fait The Strange Love Nighttime, un gros délire du professeur. Et avant ça, pour introduire la mission, Gustavo Pimentel, Magazzo. Thank you.